18 ans, Marie la France. T'en as vu passer des amants, Marie la France. Depuis qu'un beau jour de juillet, t'as eu l'idée de t'éclater à la Bastille. Tu leur ouvrais ton cœur, tes bras, Marie la France. Et ton lit tout grand chaque fois, Marie la France. Il te faisait un bras de cour, toi tu te couchais pour faire l'amour comme une fille. Marie la France, tu t'es déjà marié 5 fois, t'as été cocu chaque fois. Ça ne t'a jamais servi de leçon, maintenant encore il serait question que tu te remaries. Tu veux que je te dise, t'as trop bon cœur, Marie la France. Et comme tu ne peux pas vivre seul, Marie la France, dessous de lila, un petit vin blanc, tu te fais avoir au sentiment de trop bonne fille. Marianne aux yeux couleur du temps, Marie la France, t'en as connu des sales moments, Marie la France, tu t'en es toujours bien tiré, tu ne vas pas te laisser aller, je te fais confiance. Si les temps sont difficiles, Marie la France, pas question que tu fasses l'imbécile, Marie la France, tu te mets à crier, sauf qui peut, parce que ça ne va pas comme tu veux, faut pas que tu flanches. Marie la France, tu le sais bien quand ça va mal, quand tu n'as plus du tout le moral. Il y a toujours sur ton chemin la foule des bons samaritains pour ta défense. Leur mouchoir pour te consoler, Marie la France. Et puis leurs bras pour t'appuyer, Marie la France. Ils sont tous là pour te protéger, mais comme on l'entend du côté, égal et blanche. Marianne aux yeux, couleur du temps, Marie la France. Tu sais ce qui me ferait plaisir vraiment, Marie la France. C'est qu'avant de leur laisser à tous ces gigolos d'aller se faire pendre. Tu étais riche, tu n'as plus rien, Marie la France. Et pour tes enfants morts pour rien, Marie la France. Si tu faisais le tour des cimetières, c'est bientôt le tour de la terre qu'il faudrait faire.